jours m'entraîne dans une spirale interminable. La routine me casse la tête depuis que j'ai fini la terminale. Pour toutes ces choses que je pourrais jamais faire, je prends des rimes pour qui je serai à jamais père. Ouais. Ce que j'ai de plus cher se trouve dans mes cahiers, des petits bouts de phrases sur des feuilles entrebâillées. Pour toutes ces personnes que je rendrai jamais fier, j'avance dans le futur en me disant plus jamais hier. Alors je traque des pages, toujours pris dans cette spirale admirable. Je sais pas écrire, c'est pas si rare. Le bout de mes doigts ont un goût d'encre à présent. Ouais, j'ai comme un but pour sortir des rimes à foison. C'est malheureux quand je vois des gens qui n'ont plus goût à rien. Peut-être que tôt ou tard on vivra ça, nous aussi, hein. En attendant, je tente de sortir de cette spirale qui fait pleinement. Pas finir en geôle, cramé bêtement. Pour toutes ces choses perdues, putain de spirale qui perdure. Pour tous ces gens honnêtes, droits. Pour la routine, on est tous des proies. Pour toutes ces choses perdues, putain de spirale qui perdure. J'y vais du malheur, on espère s'en sortir. Pourvu que demain soit pas encore pire. Chaque seconde qui passe me dit qu'il faut vivre la vie. Une vécu vaut toujours plus qu'un vécu à vide. Vide de sens, pourtant on le sait que trop tard. Une fois HS, le cul sur un trottoir. Avant tout ça, je préfère me poser les bonnes questions. Je veux fumer la vie avant une totale combustion. Si j'écoute Léon dit, je me suis stoppé depuis longtemps. Mais nique, j'attrape toutes les mains que l'on me tend. Tant que j'aurai ta voix pour m'exprimer, je le ferai. Mes rêves sont d'être un jour aussi, moi je le serai. C'est chaud quand je regarde autour de moi et que je vois toutes ces larmes couler. Ces gens qui ont trop de poids, même si on peut pas fuir l'avenir, on n'a qu'un destin. Dans mes veines, la peine est un clandestin. Spirale ou pas, la routine nous suit tous. Aussi vrai que le bonheur nous fuit tous. Pour toutes ces choses perdues, putain de spirale qui perdure. Pour tous ces gens honnêtes, droits. Pour la routine, on est tous des proies. Pour toutes ces choses perdues, putain de spirale qui perdure. J'y vais du malheur, on espère s'en sortir. Pourvu que demain soit pas encore pire.